Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. C'est lundi, donc c'est lundi ou mardi, on fait la rétrospective de la semaine dans la NCAA et dans la NFL. On en parle avec Hugues Fouché. Salut Hugues! Oui, salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien, Hugues. Évidemment, on va commencer par la NCAA avec toute une fin de semaine, effectivement. Mm-hmm. Et le match qui n'a pas répondu aux attentes, le match qu'on disait, si vous avez un match à suivre, c'est celui-là entre Clemson et Notre Dame. Et on a vu Clemson, avec même si le cœur avait été très très bon, avec Trevor Lawrence, c'est une coche à part. Ah oui, clairement. Ça a été un massacre. Clemson a marché sur Notre-Dame. À un point où beaucoup de gens ont douté de la présence de Notre-Dame dans les séries. Effectivement. Donc, dans les... Dont moi. Oui, hein? Puis... oui, moi aussi, je suis loin d'être sûr. C'est que ce qui a sauvé Notre-Dame, c'est que Texas A&M, qui était cinquième, a battu personne cette année. Mm. Ils n'ont pas eu de grosses victoires. Leur calendrier, même s'ils sont dans la conférence SEC, était trop facile. Alors, malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à monter. Donc, ça a maintenu Notre-Dame au quatrième rang. Mais si on s'entend que si Texas A&M avait participé peut-être à la finale du SEC ou peut-être que aussi Floride avait battu Alabama, qui a quand même failli arriver là en finale de la SEC, ouais. Je pense que Notre-Dame aurait sorti. Si Floride avait gagné, je pense, contre Alabama... je pense que j'aurais pas été surpris que Floride, en gagnant le SEC, monte en haut de Notre-Dame, mais c'est pas arrivé. Donc, Notre-Dame sont un peu chanceux, mais ils s'en sortent et ils vont être dans les séries. Et ils vont malgré cette défaite. Ouais, ils vont affronter quand même, c'est qui? Ils vont affronter Alabama. Alabama, c'est d'accord. Du Rose Bowl qui va être déplacé d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils vont résister à Alabama? Non, ils vont se faire marcher dessus, je pense, avec respect. Là. Ouais. Je pense, non, ils sont pas, je pense pas. Écoute, on va voir, c'est quand même une bonne équipe. Ils ont quand même battu Clemson. Mais comme forts, pareil. Là. On dirait ce qu'on voudra, c'est très fort. Oui, tout à fait, mais écoute, l'offensive d'Alabama est hallucinante. Ouais. Ils sont tellement forts. C'est fou. Je pense que leur attaque est encore meilleure que l'année passée. Ils ont Devontae Smith. Ils ont Waddle jouait même pas contre Floride, imagine. Najee Harris, c'est incroyable. Écoute, c'est toute une attaque. Notre-Dame est fort quand même. Là. Je dis pas qu'ils vont se faire planter, mais tu l'as dit, je pense que t'as bien cerné. C'est sûr qu'il avait fait un bon premier match contre Clemson, mais Lawrence n'était pas là, puis même son remplaçant avait bien joué. Oui, c'est ça. Je pense que tout le monde savait dans les titres exactement. Ça a donné confiance. C'est une grosse différence. Puis tu sais, je disais Mac Jones est peut-être pas un prospect aussi solide que Lawrence, là, mais pour le niveau collégial, c'est tout un corps arrière aussi. Puis il y a des armes partout autour de lui. Tu sais, l'offensive d'Alabama est pas moins bonne avec Jones qu'il l'était avec Tua l'année passée. Hein. C'est que c'est un élément qui sont forts. Ben, Tua a manqué des matchs aussi, on va se le dire. Hein. Il a manqué des matchs l'année passée aussi. Là. C'est ça qui est arrivé. Donc Clemson qui a gagné. Écoute, le match match du SEC, c'est un classique, hein? Ah! Quel match, hein? Et moi, je te fais une prédiction. Je te dis, quand on va arriver dans le... Carl Trask, qui est un senior, donc, il s'en va à la NFL cette année. Il a déclaré qu'il n'irait pas au Senior Bowl en passant. OK, ouais, je suis pas surpris. Ouais. Je pense que dans le contexte de cette année, puis je suis pas sûr qu'il va lancer le ballon tant que ça non plus là, au comeback, okay, on verra. Okay, mais... non, je me trompe, excuse-moi, je te parle. Je pensais de l'allié rapproché de Floride. Carl Pitts, je me mêlais avec Carl Pitts, qui lui a déclaré qu'il n'irait pas un bowl au Singapour. Non, Carl Pitts qui risque d'être un top 10, c'est un joueur fantastique, mais je voulais parler de Trask parce que je le vois tellement venir, ça fait des années que je suis le repêchage, j'ai l'impression que ça va être le mal-aimé du repêchage, parce que tu sais, c'est pas... Oui, il a un bras hyper précis dans les zones profondes, il n'y a pas un canon... c'est pas le gars le plus athlétique. Il risque de se faire beaucoup dénigrer dans le processus. J'ai l'impression que tu vas lire souvent que c'est pas la solution, qu'il y a rien, il y a pas de trait particulier. Tu sais, j'ai l'impression qu'il va être le mal aimé. Mais mon Dieu, que ce gars-là ne lâche jamais sur un terrain de football. C'est ça que je vais te faire ressortir. Puis ça, c'est une qualité que moi j'aime avoir d'un corps arrière. C'est jamais perdu quand t'as Kyle Trask qui se bat jusqu'à la fin. Et encore une fois, écoute, même dans les défaites de Floride sur Mark Rock, ils font toujours des remontées. Toujours. Ils reviennent dans le match, ils trouvent une façon. Il est fort mentalement, Kyle Trask. Et là, ils ont failli battre Alabama. Ça a passé proche. Ils en ont donné pour leur argent. Ça a été un classique instantané. 52-46. Ah oui, oui, puis ils ont passé proche, très fiers de leur performance, même s'ils ont perdu. Mais en même temps, ça aurait été un peu injuste parce qu'Alabama, c'est vraiment la meilleure équipe. Donc, écoute, c'est un match c'est... que... dans les autres matchs, écoute, le championnat du Big 12, écoute, Oregon, on riait de ça, mais finalement, ils ont battu USC. Oui, dans le Pac-12 Championship. Effectivement. Ouais. Écoute, c'est tellement l'année de la COVID, ils devaient même pas être là. Juste pour rappeler aux gens, hein, ceux qui n'ont pas entendu le podcast de vendredi, ils devaient pas être là. Finalement, ils ont remplacé Washington à cause de la COVID. Une semaine avant, je pense. C'est une équipe de... Ouais, une semaine avant. Tu sais, à court délai. Ouais. 3 victoires, 2 défaites. Ils méritaient pas d'être là, on s'entend, mais quand tu... Tu joues le match, tout peut arriver. Puis, écoute, ils ont joué un excellent match et ils ont gagné finalement. Ils sont les champions du Pac-12. Donc, comme on disait, the show must go on. Tu sais, c'est l'année de la COVID, mais il faut continuer. Puis, finalement, ils ont gagné. Mais honnêtement, ils ont joué un bon match, par exemple. Je peux pas leur enlever ça. Je l'ai vu ce match. Il n'y avait pas de l'air. Fantastique. Il n'y avait pas de l'air de non-invité. On va dire ça de même. Non, il avait l'air d'une équipe qui avait aux limites de... Oui, il avait l'air d'une équipe d'un gros bowl en janvier, puis peut-être même, tu sais, qu'il aurait pu, s'il avait joué comme ça toute l'année, il aurait peut-être même été dans la conversation pour les éliminatoires, peut-être tant ils ont été bons dans ce match-là, mais ils n'ont pas joué toute l'année comme ça, visiblement, là, même si j'ai pas vu tous leurs matchs. Parce que s'il avait joué comme ça, il n'en aurait pas perdu beaucoup. Donc, il y a eu un très bon match. Puis le Big 12 aussi a été excellent. Oui, le Big 12, c'est un match. Écoute, Ohio State, Northwestern a été dans le match quasiment jusqu'au quatrième quart, jusqu'au milieu du quatrième quart. Oui, ça, le Big 10, tout à fait. Big 10, mais Big 12 aussi, Ohio State, bon. Honnêtement, oui. Puis honnêtement, c'est un des pires. Ben, Justin Fields n'a pas une grosse année. Peut-être qu'il va glisser un peu au repêchage à cause de ça. Je ne sais pas s'il se déclare, là. Mais en même temps, moi, je blâme pas Ohio State. Parce que ils ont joué 4 matchs avant ce match-là. C'est leur 5e. Ils ont eu plein de matchs annulés. Visiblement, là, cette équipe-là, là, actuellement, ils ont pas de rythme. Visiblement, c'est ça, ils ont pas réussi à prendre un rythme parce qu'ils ont pas joué assez de matchs. Puis c'est difficile, puis c'est la même chose pour Justin Fields. Tu vois qu'il est un peu perdu, il a pas joué suffisamment de matchs. Heureusement que Trey Sermon, avec son 331 verges au sol, est venu gagner le match pour Ohio State. Ça valait le spectacle juste pour voir Trey Sermon courir. Le transfuge d'Oklahoma qui n'arrivait pas vraiment à s'installer à Ohio State, mais là, je pense que... comment je peux dire ça? Les équipes qui... Là, ça va être Clemson en première ronde. Je pense qu'ils ont pris bonne note de la performance au sol de Trey Sermon. Ça va donner un peu d'espace à Justin Fields pour le jeu par la passe. Donc, il y a également, il y a d'autres matchs également. Boise State, Tulsa contre Cincinnati, ça a donné un bon match aussi. Ah, tabarouette, hein? Ça a été serré, ouais. Ça s'est décidé sur un placement. Puis honnêtement, pour avoir regardé vraiment là, attentivement ce match-là, c'est pas Cincinnati qui jouait mal, c'est que Tulsa est meilleur que ce qu'on pensait. Ils ont joué un très bon match, les petits gars, très fort. Franchement, j'ai été surpris. Tu sais, des universités comme ça qui n'ont pas une grosse réputation. Mais m'a dire que tout ça, là, j'ai été très surpris. Ils ont été dans le top 25 aussi, il faut quand même le dire. Là. Ah oui, quand même. Mais ils ont été meilleurs que ce qu'on aurait pu penser. J'ai beaucoup aimé la performance de Nick Starkel, que je connaissais pas beaucoup, le carrière de San Jose State contre Boise State. Donc, il a été solide, éventuellement pour 450 verges, puis c'est pas un accident, là. Il était, tu sais, des fois, il y a des prospects comme ça dans des petites universités qu'on connaît mal, mais ce gars-là, c'est tout un corps arrière, il a un bon bras. Il m'a vraiment surpris. Et puis, j'ai pas détesté Oklahoma contre Iowa State dans la finale du Big 12. Oui. Honnêtement, ils ont joué un bon match. Ça a été serré, mais encore là, Iowa State, c'est pas une mauvaise équipe. Et puis même qu'à la fin, je sais que les gars du Blitz avaient placé eux Oklahoma dans leur top 4. Moi, j'étais pas nécessairement de cet avis-là parce que je trouvais que du 10e au 4e rang, c'était trop un gros saut. Le comité avait un peu fait son lit là en plaçant Oklahoma 10e. Ça m'aurait surpris qu'il monte au 4e rang. Je trouvais que c'était un trop gros saut, mais c'est sûr qu'encore là, comme on l'a dit tout à l'heure sur Oregon, peut-être que si Oklahoma avait joué comme ça toute l'année, puis qu'il avait pas subi deux défaites en début de saison, ça aurait pu être un bon choix pour les séries éliminatoires, mais ils ont trop mal commencé l'année puis ils étaient trop loin dans les classements pour. Mais ils ont quand même monté au 6e rang. Ils étaient quand même aux portes des séries. Ouais. Donc, mais c'était un très bon match. Simplement, on va faire le tour de la NFL. Il y a une nouvelle qui vient de tomber, oui. Une nouvelle triste. Je vais t'en parler durant la pause, mais on va le commenter. Le décès de l'ancien secondaire étoile des Steelers de Pittsburgh, Kevin Green, à l'âge de 58 ans, donc très très jeune. On va en parler après la pause. Je te l'écoute d'une interview avec Hugues Fouché sur le site. Leblitznfl.com. L'équipe Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant toute l'année dernière. Polaire 3, au 373 Avenue de la Friche, à Dolbeau-Mistassini, au numéro 418-276-5018 ou polaire3.com. Pour le temps des fêtes, Salaison-Besson tient à remercier toute sa clientèle pour leur fidélité durant l'année. Durant cette période particulière, profitez-en pour passer du temps en famille, téléphoner aux personnes seules et soutenir les entreprises d'ici. De toute l'équipe de Salaison-Besson, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Souhaite de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. On est de retour à danreseausport.com. Hugues, avant de commencer à faire le tour de la NFL, je veux te parler d'un décès qui vient tout juste de survenir, qui vient tout juste d'être annoncé. Le décès de Kevin Green, l'ancien secondaire des Steelers de Pittsburgh, troisième dans l'histoire de la NFL pour les les sacs. Il est devancé seulement que par Bruce Smith. Et également, Bruce Smith, il y en a 200. Reggie White, 198. Participé quand même à, il a joué 15 ans avec, dans la NFL. Participé à deux Pro Bowls. C'est quand même... écoute, les gens qui se rappellent de lui dans les années 90, avec, il était avec la fameuse défensive, c'est pas cette défensive-là du rideau de fer, là. On parle de Greg Lloyd et ainsi de suite, là, qui se sont quand même rendus très, se sont rendus au Super Bowl et ont perdu contre les Cowboys de Dallas. Oui, très grand joueur, beaucoup de charisme, avec ses longs cheveux blonds. Hein? Blond. Puis, mais j'avais pas réalisé qu'il était troisième dans... Écoute... lui, il passait sur le radar derrière Greg Lloyd. C'était Lloyd la vedette, hein, dans ces années-là. Oui. Plus que Green. Mais Green a aussi été coach dans la NFL en passant. Hein. Il était avec les Panthers, notamment quand les Panthers avaient perdu le Super Bowl là, contre comme entraîneur, quand les Panthers avaient perdu le Super Bowl, je me rappelle de ça, contre les... Broncos. Oui, c'est ça. Exact. Mais j'avais pas réalisé qu'il était si haut que ça sur la liste des sacs. Écoute, quand tu es mentionné dans la même phrase que Reggie White ou Bruce Smith, c'est quelque chose. Là. Mais Greg Lloyd, je pense, dans ces années, était la vedette des Steelers en défense. Oui. Je suis même abusé. C'était plus Lloyd qui était la vedette que Kevin Green. Mais Green était quand même un joueur. Plus longtemps, pareil. Probablement que c'est ça qui explique. Donc, il décès à 58 ans. Les Steelers qui jouent ce soir, on va certainement lui. On va certainement en parler dans le Monday Night Football. Écoute, le match hier, les Chiefs de Kansas City contre les... c'était le match de la semaine. Drew Brees, ça a paru. Hein, qui, vers la fin, là, il commençait à prendre plus ses repères. Mais en début de match, c'était plus pénible. Exact. Écoute, beaucoup de gens ont parlé à quel point c'était un match serré. Moi, je pense que les Chiefs ont quand même contrôlé ce match-là. Les Saints ont fait une remontée à la fin, mais on s'entend. Mais je pense que les Chiefs ont mal géré un petit peu la fin. Ils ont laissé les Saints revenir un petit peu, mais ils ont quand même dominé. Moi, si j'étais l'entraîneur des Saints, je dirais pas aux joueurs, on a quasiment gagné le match. Ouais. Je leur dirais, on est bon, mais on n'est pas encore aussi bon qu'eux autres. Et puis, va falloir que tout le monde améliore un peu son niveau de jeu si on veut pouvoir battre une équipe comme ça en série. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, là. Je pense que les Chiefs avaient quand même une coche en haut des Saints, mais ils ont quand même remonté à la fin, puis ont comme un peu donné l'illusion qu'ils pouvaient peut-être gagner ce match-là. Mais c'était quand même un très bon match de football, là. On s'entend que c'était, c'est un bon match à regarder, mais, l'impression qu'on a des Chiefs, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est que même quand ils sont pas à 100%, même quand ils font des petits défauts, ils gagnent quand même. C'est la meilleure équipe actuellement de la NFL, il n'y a pas d'autre là-dessus. Là. Clairement. Là, donc, mais par contre, les Brees n'étaient pas à 100%, donc ça n'a pas aidé, mais bon. Moi, je suis content pour les partisans des Bills de Buffalo. Ils ont mangé leur pain noir. Si on parle de menace, la seule équipe qui peut menacer, selon moi, les Chiefs et les Bills, ils ont remporté le premier championnat. Ça faisait un sacré bout de temps là, qu'ils n'avaient pas remporté de championnat. Bravo. Tout à fait. Écoute, bienvenue en 2020, l'année pas comme les autres. Les Patriots sont éliminés, puis les puissants Bills de Buffalo sont assurés que championnat. Mais honnêtement, les partisans des Bills sont les meilleurs, sont le fun en plus. C'est toujours des partisans avec qui c'est le fun de discuter. Alors, zéro arrogant. Ils méritent tant mieux. Puis c'est des partisans qui sont tellement derrière leur équipe. Ouais. Puis ils sont vraiment bons. Encore une fois, victoire assez facile samedi. Je suis vraiment content pour eux aussi, puis ils jouent bien. Puis honnêtement, c'est as-tu vu l'amélioration du pourcentage de passes complétées de Josh Allen? C'était ça. Par les années passées, c'était ça sa faiblesse. Ben écoute, puis même au niveau collégial, ce gars-là complétait même pas 60% de ses passes. Ouais. Tu sais, c'était ça la difficulté de Josh Allen, c'est-à-dire il va rarement sa deuxième lecture. Puis il y a de la misère, c'est toujours. Il regarde loin sur le terrain, il ne se dit pas là, c'est son check-down. Puis même en faisant ça, il complète à peu près 55%. Fait que tu sais, on était comme, oui, un bon bras, mais c'est-tu vraiment un bon joueur tant que ça? Mais c'est, écoute, oui, ça l'est, là. Là, écoute, il complète des passes incroyables, il lance des lasers, puis il voit super bien le terrain, il est athlétique, il est grand, il est gros, il est fort, puis les joueurs autour l'adorent, puis ils jouent pour lui. Fait que, jusqu'à date, on peut dire que les Bills ont fait un... C'est tout ben, un vol. Il était repêché par, tu me corriges, je me trompe, son talent brut, il avait un bras incroyable, lui. C'était, oui. Sa puissance de son bras, là, c'était ça qui fait... Mais le reste autour, c'était pas si clair que ça, honnêtement. Non. Tu sais, on s'entend, là. Les Bills en ont eu par le passé des carrières, des choix de première ronde. Oui, puis. Oui, absolument. Ils n'ont pas juste fait des choix judicieux, là. Non. Mais là, honnêtement, ce gars-là est vraiment. Vraiment spectaculaire dans ça. Puis c'est pas juste à cause de Josh Allen qui gagne, là. Ils ont une bonne équipe. Stephen Diggs joue extrêmement bien aussi, notamment. Là, ça, c'est tout un ajout. Écoute, c'est un bon club de football en général. Puis c'est des, ils sont travaillants, puis ils sont bien coachés. Fait que moi, je suis d'accord avec toi. Ils pourraient donner des difficultés aux pendant que les Chiefs l'échappent, ça pourrait être aux mains des Bills, effectivement. Oui, effectivement. Moi, j'avais prévu les Ravens, mais c'est pas ça. En terminant, non. Les Jets de New York, ont-tu trouvé le moyen de ne pas perdre le ballon? Lawrence ne voulait pas jouer à New York. Au départ, là, il ne voulait pas jouer à New York. Mais tu sais, ça reste que c'est New York. C'est un gros marché pour une vedette. Le problème, ben oui. Il aurait pu s'entendre, là, mais la première indication, c'est qu'il ne jouait pas. Il voulait pas jouer à New York, sauf que là, c'est les Jaguars qui risquent de le repêcher. Là. Ah, c'est pas terminé, là. Non. Mais tu sais, moi, j'écrivais souvent en farce. Que dans le comment je peux dire dans le rayon dans le département premier choix repêchage que les Jaguars là étaient coriaces, ils ne laissaient pas non plus c'est une équipe qui est incapable de gagner et là écoute la surprise les Jets qui s'en vont battre les Rams en plus ils battent une bonne équipe là ils battent pas écoute c'est absolument incroyable et c'est tellement Jets de New York de faire ça. Il pourrait repêcher, mais non, il faut. Puis là, ça va devenir intéressant. Juste ouvrir une parenthèse, c'est sûr qu'on va en reparler quand on sera rendu là, mais s'ils se retrouvent deuxième, qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi, s'ils sont premiers, c'est, repêcher Trevor Lawrence, c'est un no-brainer, comme on dit. Ouais. Tu peux pas passer à côté de ce gars-là. Tu le repêches, puis ça finit là. Sam mais Darnold, au deuxième rang, on peut-tu dire que Sam Darnold n'a pas fini d'être développé? Ah oui. Puis on peut dire que ce gars-là a du potentiel parce qu'il est tellement mal entouré. La question de Darnold, c'est pas de savoir s'il y a du potentiel, c'est de savoir est-ce qu'ils l'ont déjà scrappé en l'entourant mal, puis il a tellement perdu confiance qu'il la retrouvera jamais. Ouais. Ça, c'est la question. Mais moi, j'ai pas de doute que ce gars-là est capable de jouer. Et là, c'est sûr que si tu peux pas repêcher Trevor Lawrence, moi, j'aime beaucoup Justin Fields, là, c'est un joueur que j'adore, mais est-ce au point de dire on va jeter Darnold puis ou tu dis non, regarde, on va échanger notre choix numéro 2, on va aller chercher un paquet de choix au pêchage et puis on va reconstruire l'équipe autour de Darnold. Là, ça peut devenir une option. Alors, ça va devenir intéressant. Les Jaguars un peu le même genre d'échange que les Giants avaient fait avec les Chargers San Diego en 2004. Quand il aime ça aller, pourrait être ça. Quand il a amené, ça voulait être échangé un peu. Ça pourrait être ça. Ou regarde, je me souviens pas qui avait échangé, mais quand les Rams et les Eagles avaient monté pour aller chercher Goff et Wentz. Ouais. Ça peut être ça aussi. Là, tu ramasses un pactole de choix de pêchage. Et puis, toi, ben, tu sais, alors à ce moment-là, puis là, tu peux à ce moment-là. Reconstruire rapidement une bonne équipe avec des bons choix de pêchage. Puis t'as Sam Darnold qui est loin d'être un mauvais prospect. C'est juste personne n'aurait réussi dans tes souliers là. Il est, avec Adam Gase pour le coacher, puis une très mauvaise équipe autour de lui. C'est que ça, à un moment donné, ça pourrait être ça. Mais moi, je pense que si ils ont le premier choix, ils doivent prendre Trevor Lawrence. Tu peux pas passer à côté de lui. Mais sinon. Moi, j'aurais tendance à dire que à ce moment-là, peut-être d'aller chercher des choix, mais ça va donner un repêchage intéressant. Si c'est ça qui arrive, plus intéressant que l'inverse, je te dirais, parce que là, ça va vraiment devenir là. Ça va être bon de voir comment les Jets si la tendance se maintient, vont réussir à scraper cette opportunité-là. Et dernier point, je veux te parler de nos Pats qui, écoute, ben, moi, je suis tellement pas dérangé. Ça me dérange tellement pas qu'ils font pas les séries. Là. On a été gâtés, c'est ça que j'écrivais dans le sport professionnel. Ouais. On a été la concession, les partisans les plus gâtés dans les deux dernières décennies. Regarde, à un moment donné, là, qu'ils fassent pas les séries, c'est tellement pas grave. Reste à savoir maintenant, il faut qu'ils repêchent comme il faut. Faut qu'il, ouais. Dans les dernières années, ça a été plus difficile dans le repêchage. Et j'ai hâte de voir que, comment on va s'enlier. Ben, il ne faut pas oublier qu'il y a 8 joueurs aussi. Là, 8 partants là, qui n'étaient pas là, là en défensif. Oui, à cause des opt-out. Oui. Moi, écoute, ça dépend comment tu te positionnes. Beaucoup de gens ont trouvé toutes sortes de défauts, ce qui est normal quand un club gagne. C'est quand même une bonne équipe de football. Je pense que la défensive était bonne. Je pense que la ligne à l'attaque était bonne. Je pense que les running backs, les porteurs de ballon sont excellents. Je pense que les unités spéciales étaient bonnes. Je pense que le problème de l'équipe, c'est vraiment l'attaque par la passe. Je pense qu'en 2020, tu peux pas gagner des matchs quand tu lances pour même pas 100 verges par match. C'est sûr, c'est sûr. On s'entend, c'est que, tu sais, moi, je pense que c'est ça là. Est-ce que tu blâmes plus le corps arrière ou est-ce que tu blâmes plus les receveurs de passe? C'est probablement un peu des deux. Ouais. Alors, les deux, mais tu sais, on va s'entendre pour l'année prochaine. Trouver, il va y avoir de bons agents libres comme receveurs de passe. Les Patriotes vont avoir un peu plus d'argent. Le cap salarial, c'est l'équipe qui va avoir le plus d'argent dépensé sur le cap aussi. Voilà, c'est que tu peux facilement, tu sais, tu vas en chercher un ou deux repêchages, tu vas en chercher un ou deux dans le... Et honnêtement, moi, je pense que tu es reparti en affaires. Là, ça va aller bien de ce côté-là. Puis c'est pas... Là, on parlait beaucoup de la ligne défensive cette semaine. Moi, je pense que la ligne défensive n'est pas mauvaise. Je pense que c'est vraiment la position de receveur de passe. Et celle de corps arrière, mais ça, c'est plus compliqué. C'est là que le problème se trouve. Là. Est-ce que tu vas pouvoir trouver une meilleure solution au poste de corps arrière là, qu'est-ce que Cam Newton, Jarrett Stidham et Brian Orchard ont donné cette année? Tu pourrais être le partant des deux prochains matchs. As-tu vu ça? Ce serait une bonne façon d'évaluer. Là, tu dis, regarde, c'est toi. Moi, je vais te dire ce que je pense. Oui, il n'y a pas confiance en lui. Je vais te dire ce que je pense là-dessus. C'est évident. Non, mais moi, je te dis juste, je pense pas que Stidham va être le partant contre les Bills. Je vais t'expliquer pourquoi. Peut-être que je me trompe. Mais le problème, c'est que c'est trop un match important pour trop d'équipes. Un match important pour les Steelers, c'est un match important pour les Titans, c'est un match important pour les Colts. C'est un match. Je pense pas que Belichick va envoyer le signal de j'envoie mes réservistes contre les Bills. Je pense pas qu'il va faire ça. Je pense qu'il va préparer son équipe pour une question de vie ou de mort contre les Bills pour être équitable envers tout le monde. Puis je pense que Newton va jouer. Okay. Là où j'ai l'impression que Stidham pourrait avoir un départ, mais peut-être que je me trompe, là, mais moi je pense que c'est ce qu'il va faire. Mais peut-être qu'on pourrait voir Stidham à un moment donné dans le match, par exemple. Ça serait intelligent de sa part, mais j'ai l'impression que Newton va être le partant. Contre les Jets, là, c'est différent. Mais j'espère, je suis pas sûr que c'est une bonne chose si Belichick fait ça, parce que tu envoies le signal des grandes vacances en envoyant ton backup contre les Jets. Est-ce que les joueurs vont vraiment jouer ce match-là, tu sais, avec intensité, ou est-ce qu'on va dire... Oui, je suis d'accord. Donc, moi, je pense qu'il va devoir lui donner une chance à un moment donné. Moi, j'aimerais voir, si c'était moi, j'aimerais voir Stidham dans les deux derniers matchs, mais moi, tu le sais, ma position, c'est que ça ferait déjà plusieurs semaines que j'aurais donné une chance à Stidham parce que je trouve que Cam Newton n'a pas fait le travail. Mais j'aurais voulu le voir avant, mais au moins, s'il lui donne une chance dans les deux dernières semaines, j'aimerais ça qu'il le fasse. On va voir, mais je suis pas sûr contre les Bills, parce que comme je t'ai dit, tu sais, d'un côté, il faut que tu l'évalues. D'un autre côté, tu veux pas non plus donner l'impression que tu n'as pas vraiment essayé de gagner le match contre les Bills, vu les implications de ce match-là. Ouais, ouais, ouais. Ben, Hugues, très... Donc, je sais pas. Ouais, très intéressant. On va se parler quelque part vendredi pour parler des bowls, même. On va l'enregistrer plus tôt l'année, vu que c'est Noël, fait qu'on s'en reparle bientôt. Parfait. Notre ami Hugues Fouché, c'était notre lebetsnfl.com.